France Inter. Il est 8h55, François Morel, c'est à vous. Il ne vous a pas échappé, Nicolas, que la plupart des humoristes, quand ils ne sont pas belges, viennent du département de l'Orne, précisément de la région de Flers. Je n'invente rien, tout le monde vous le dira. Et ça ne date pas d'hier, Guy Mollet, flérien et président du Conseil sous la 4e République, a eu cette phrase historique qui, encore aujourd'hui, reste une grande source d'inspiration, non pour les humoristes, mais pour les dirigeants politiques. « On nous dit que notre politique a échoué, est-ce une raison pour y renoncer ?» Nathalie, auditrice de France Inter à Lançonnaise et lectrice de Télérama, attire mon attention cette semaine sur ce qu'elle considère comme un aptonyme, alors qu'il me semble qu'il s'agit plutôt d'un contre-aptonyme. En effet, elle évoque un prêtre, le père Péché, qui exerce son apostolat au sein de la paroisse Marcel Callot de Flers. Un aptonyme, je le rappelle, est un nom de famille qui est en relation avec son métier, par exemple monsieur Le Tondeur coiffeur, monsieur Millepied danseur chorégraphe. En revanche, le père Péché, Christophe de son prénom, représente plutôt un contre-aptonyme puisque sa profession de foi l'invite justement à combattre le péché. Mais ce n'est pas pour parler d'aptonymie que j'évoque ce matin le père Péché dans cette chronique inspirée par un article de Télérama dont le sujet était justement le père Péché qui, en plus d'être prêtre, est dessinateur humoristique. Chaque jour que Dieu fait paraît en effet sur le site de la paroisse Marcel Callot, mais également dans West France, édition Ornaise, un dessin du prêtre flérien. Un recueil de ses dessins humoristiques vient de paraître chez Publica, intitulé « Confinement, déconfinement et autres raffinements ». Il est toujours périlleux de décrire un dessin humoristique. J'invite donc l'auditeur à se rendre sur la page Facebook de la paroisse Marcel Callot de Flers ou de s'abonner à l'édition Ornaise du quotidien West France. L'inspiration, certes, est assez éloignée de celle d'un réser ou d'un ciné, mais saluons un religieux capable de pratiquer une douce ironie. L'ouvrage a été sélectionné pour le prix de la BD chrétienne d'Angoulême, prévu du 24 au 27 juin prochain. Il a reçu la bénédiction de Monseigneur Jacques Habert, évêque de Sées, puisqu'il en a signé la préface. Le père Péché est, à ma connaissance, la seule personne à porter la double calotte de prêtre et de dessinateur humoristique. L'Église, d'ailleurs, peut actionner son encensoir et lui rendre grâce. Ils ne sont pas si nombreux aujourd'hui. Les prêtres qui font parler d'eux, non pour leur penchant coupable, mais pour des talents empreints de bienveillance et de pureté. Prenez garde cependant, père Péché, de ne pas sombrer dans le péché de vanité. Votre ouvrage, qui déjà a reçu un accueil excellent, pourrait voir ses ventes exploser dès aujourd'hui, après cette extraordinaire publicité gratuite qui est faite ce matin sur la radio la plus écoutée de France. Allez-vous, père Péché, vous satisfaire de la page Facebook de la paroisse Marcel Callot de Flers et de l'édition ornaise du quotidien West France? Viserez-vous plus haut? Allez-vous postuler au poste laissé vacant par Plantu du journal Le Monde? Comment réagirez-vous quand la presse nationale vous fera les yeux doux, quand la publicité vous proposera un pont d'or? Ne préjugeons pas de vos décisions. Faites selon les directives de votre âme. Continuez à prier et à dessiner pour nous. Allez en paix, père Péché. Et merci François Morel. France Inter.